de nuances. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On vous offrira toute une semaine spéciale une grosse pointe d'adresse. Et David Ferron nous préparera un buffet de musique du monde dans les notes salées. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bienvenue à Assemblage Requis en ce mardi 28 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hey, Steph! Hey, Mathieu! Cela va? Ouais. Notre semaine commence ici, nous. Ben non, mais elle a commencé un petit peu hier. Oui, elle a commencé hier. C'est ça. Ceux qui étaient là se sont demandé, mais où sont mes animateurs préférés? Ensuite, ils ont changé de poste pour aller au bon poste où leurs animateurs préférés sont situés. Ah, c'est drôle de l'autodérision comme ça. Mais non, c'est ça le problème technique majeur hier. Nous sommes de retour aujourd'hui, tout va bien aller pour l'émission et il nous reste 3 programmes à faire. Non, ça nous a coupé ça, hier. Oui, le corps, je dirais. Ça nous a coupé le corps. Une petite tranche. Hey, parle en tranche. Du bacon? Non, une grosse pointe en dresse, la chronique alimentaire. Même affaire. Si seulement il y avait du bacon, ça améliorait la chronique, mais malheureusement, pas tant souvent du bacon jusqu'à maintenant. On va goûter un produit du commerce et on va faire ça chaque jour cette semaine. C'est qui reste. Ouais, c'est ça, ça a coupé le corps. Là, c'est ça. Mais ça veut pas dire qu'on est obligé d'en faire juste une par jour. Ah, il y a aucun règlement là-dessus. C'est qui détermine les règles ici? Ben, c'est toi. Ben, c'est ça, c'est nous autres. En équipe. Ouais! Tu peux me demander tout ce que tu veux me dire. C'est quand même toi qui as le dernier mot, tu sais. C'est ton émission. C'est vrai, moi, je peux t'appuyer. Je pile tout le temps par-dessus la fin de tes phrases, comme là, mettons. J'ai tout le dernier mot. Mettons, tu dis bye, puis je vais dire OK, bye, pour avoir le dernier mot, tu sais. T'es quand même moins pire là-dessus. Qu'avant? Ouais, ouais, ouais. Merci. Je pense que. Je te laisse ta place. Je suis tes phrases, tu sais. Regarde, je suis tes phrases. Non, pour finir les phrases, faut que tu dises la même chose. C'est ça. Faut pas que tu dises d'autres choses. Non. Sandwich, hein? J'ai plus jamais parlé de sandwich. Donc aujourd'hui, Steph, à l'émission, on va avoir David Ferron. Tu me dis, mais attends un peu, c'est pas le lundi d'habitude? Ben oui, c'est ça. On l'a remis à aujourd'hui, étant donné qu'il pouvait pas faire sa chronique hier. On était chanceux qu'il puisse revenir ce matin. Ben, mais hein, on est choyé par la vie avec David Ferron, donc à 8h30 pour les notes salées. À 9h, on l'a dit, une grosse pointe d'adresse. On va faire ça tous les jours cette semaine. Et puis on va débuter avec du site un fait dans quelques instants. Bon. Pas pire, ça? Bon, t'as un bon programme. C'est comme un lundi, mais le mardi. C'est ça, mais là, trompez-vous pas, vendredi, on vient pas. Là. Non, c'est ça. Mais on va être là pareil. En meilleur moment. C'est ça. Entre guillemets, meilleur moment. On devrait vraiment mettre des guillemets dans le logo. Meilleur moment, comme dans tout ce qu'on a là. En tout cas, moi, j'ai assez hâte d'entendre celui-là d'hier. Oui, oui. Tu vas-tu mettre un petit 20 minutes de rien? Je vais mettre de la musique dedans. Parce qu'il y a eu de la musique hier, pareil. Oui, c'est vrai. Ce serait mensonger de dire des silences, mettons. On va commencer en musique. On n'en jouera pas tant de la musique cette semaine parce que quand même, on a tellement de contenu incroyable. Mais on a une nouvelle entrée du côté anglophone. En fait, on a deux. On a Halbop Shinks. Mais on va débuter avec Heat sur leur album Runes. Voici This Life. Celle-là, cette vie-là. Okay. Maudite vie. Yeah. C'était Heat et This Life à Assemblage Requis. Ouais, un peu de Bob Dylan là-dedans. Et c'est drôle parce qu'on parlait de Bob Dylan, puis là, tu m'as parlé de jambon à la bière. Ouais, par hasard. Fait que là, j'ai dit, ah, c'est-tu la traduction littérale de Bob Dylan, jambon à la bière? Exactement, ouais. Bob Dylan-chus. Deep and Dylan-chus. C'est bon, ça, ce gâteau-là, le profond et délicieux. Ouais, ouais, il goûte un peu folk, là, je te dirais. Faut le voir pour le... Faut le croire pour le voir. J'essaie de trouver un nouveau nom pour notre future émission de musique folk. Assez fou, tu sais. Faut le croire pour le voir. Pas pire, ça! Ouais. Ah, ouais. Des faits comme ça, on a à la tonne. Voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. On chantait pas sur la même note que d'habitude, on s'est vraiment, là je pense qu'on s'était accordé ensemble. C'est sûrement la dernière fois qu'on fait C'est un fait ensemble. C'est une harmonie vocale qu'on appelle. C'était une Dylan harmonie locale, je sais pas. Locale. Harmonie locale. C'est quand tu vas louer un bureau pour chanter avec ton harmonie à Chavigny, mettons, tu t'appelles harmonie locale, tu t'en vas tout le temps chanter c'est aux harmonies locales. Oh, et puis t'expansionnes pas vraiment ta musique, là. Non, c'est assez local. Tu gardes ça sur, dans le terroir. Dans le terroir de bas. Exactement. C'est comme ils disent en Gaspésie, je pense. Dans le terroir de bas, ils disent ça. Ouais, vraiment. Donc. Oui, ben en fait, je pensais, et là on fera jamais la chronique parce que je vais tout avoir des jokes, là. Mais le mercredi, c'est expliqué, ça devrait répondre là. On devrait appeler ça la chronique des produits du tiroir. Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Ouais. Sûrement du virus, ça. Non, François Bellefeuille. Oh, hey, ho! J'ai monté d'un cran. Avant, je faisais des blagues de Pérus sans savoir. Là, je fais des blagues de Bellefeuille sans savoir. C'est tout à l'heure d'un cran. Dans mon estime. Parce qu'on dirait que Pérus, il fait juste toutes les blagues du monde en espérant qu'une colle à un moment donné. Ah, il colle tout. C'est vrai qu'il colle tout. Je vais pas te décevoir, là, mais... Partira pas des bolettes. C'est un semi-dieu. Partira pas là-dessus. Hercule, même combat. Donc, hey, parlant de standards de qualité, Steph, le gouvernement américain qui a des spécifications rigoureuses pour les stylos que le gouvernement achète, assemblés par des gens qui sont aveugles, premièrement. Les stylos doivent être capables mais de... Mais là, ils doivent être tout croche. Oh, non, je m'excuse. Haha. Donc, les crayons doivent être capables d'écrire pendant 1000 de long. 1000, c'est, je pense, c'est comme dans le coin de. T'as un peu. T'as pas ton converteur. Pas sur cet ordi-là, non. 1,6 km. Installe-le. Installe-le. Ben oui. Ben, en effet. Donc, en effet, c'est pour mon ordi, mais moi, installer mes affaires dessus. Ça, ça prend 2 secondes. C'est ça. Bref, et les températures doivent pouvoir aller entre 160 degrés Fahrenheit et 40 degrés, moins 40 degrés Fahrenheit. Ils sont faits pour être... Ça fait combien Celsius? Écoute, 160... Non, t'as commencé à me faire ça, là, à tout me donner en conversion. Je les veux maintenant. OK, j'arrive. Attention, où est ma souris? Moi, okay. Genre 8 degrés Celsius. On va aller voir. OK, c'est le fun, c'est comme un défi de plus, ça. Ok, attention. C'est ici. Ploup! Ploup! 71 degrés Celsius. Ensuite, ça, c'est moins 40, là. Moins 40. Ah non, ça enlève pas les affaires qui étaient écrites. Ah non, qu'est-ce que c'est ça? Ça a actualisé. Ah! Ok, c'est ici. Windows 8, je suis pas encore habitué, ça. Pas encore habitué. 40 degrés Fahrenheit? Moins 40 degrés Fahrenheit, ça fait moins 40 degrés Celsius, c'est pareil. Ben non. Ben oui. Selon Google, moins 40 degrés Fahrenheit égale moins 40 degrés Fahrenheit. 40 degrés Fahrenheit, ça peut pas donner 70 degrés Celsius. Non, l'autre, c'était... Attends un peu. Là, attends, tu me fais changer de fenêtre encore. 160 degrés Fahrenheit, OK? Ça, c'était... OK, 160. Ouais, je l'ai dit comme il faut tantôt, c'est toi qui écoute pas. Donc, 71 degrés Celsius à moins 40 degrés Celsius. Ah, mais moins 40, ça peut pas donner moins 40. Moins 40, ça donne moins 40. Mais ça se peut pas. Ben, je te jure. Mais pourquoi ça serait la même chose dans le négatif? Je sais-tu. Il y a juste le converteur de Google. Il n'y a pas l'explication de pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. T'sais. Mais pourquoi? Ça serait compliqué, Google. T'sais. S'il fallait pourquoi? Que chaque affaire que tu marques, c'est comme... Ouais, c'est comme le moteur Bibi et Geneviève. Ce serait parfait, ça. Aussi, que tu as une réponse à ta question, c'est pourquoi? Mais comment ça? Ben pourquoi? Explique-moi. Bon, on parlait de crayons, je pense. Oui. Donc, ils sont faits aussi pour ne pas être détectés dans les uniformes. Ils peuvent être... ils peuvent jouer le rôle d'une fuse de 2 pouces. Ils peuvent être utilisés lors d'une trachéotomie d'urgence. Incroyable. Donc, c'est Skillcraft, le nom de National Industries for the Blind, une organisation créée par Wagner, l'acte Wagner-Audet en 1938 pour créer des opportunités d'emploi pour les Américains aveugles. Donc, les produits avec la marque Skillcraft sont surtout utilisés par le gouvernement fédéral américain, donc les institutions, dont le service postal, le USPS. Mm-hmm. Donc, les travailleurs aveugles assemblent les crayons, les stylos dans des usines du Wisconsin et de la Caroline du Nord. L'explication d'origine de 16 pages pour les crayons sont toujours utilisées aujourd'hui. Tout ce que j'ai dit tantôt, en plus de qui a été utilisé dans des zones de guerre, c'est fait pour ne pas être détecté dans les uniformes militaires américains. Et selon la compagnie, le stylo peut... peut-être utiliser, c'est ça comme fuse, donc j'imagine pour une bombe et pour des trachéotomies d'urgence. Vraiment quelque chose d'intéressant. Wow. Ensuite, un magasin IKEA au Royaume-Uni a déjà relâché 100 chats dans son magasin et a filmé ça. Hein? C'était une expérience. Ils ont plus tard utilisé des clips de ça pour une publicité. Les chats se battaient ensemble, grimpaient sur les boîtes, sautaient et faisaient des petits cris. Ça devait être beau. Ouais, ça a vraiment dû... faire qu'ils ont été obligés de changer leur meuble. Tant qu'à changer les meubles, mettons, une fois en deux saisons, mettons, lâche les chats dedans, ils vont faire leur griffe. C'est ouais. Ça. Puis là, change les meubles après. Ça. Tant qu'à faire, donne-les surtout pas à des œuvres de bienfaisants. Ben non, on les vendre à rabais, ça. Ben non. Il y a un sport qu'on appelle la Archery Tag. Archery comme du tir à l'arc. Hein? Voilà. La tag à l'arc. La tag à l'arc. Voilà, on dirait un peuple amérindien, les Tagalas, ou dans World of Warcraft, les Tagalas, on dirait, je trouve. Ouais, un peu, les Tagalas, non? Non. Non? Tu connais ça plus que moi. Donc, ça ressemble un petit peu à du ballon chasseur, mais avec des flèches, avec ben des oui, bouts mais en... Hein? C'est dangereux. Oui, mais les bouts des flèches sont en foam, en mousse. C'est cool, mais ça a l'air amusant quand oui, même. Ça a l'air cool. Il y a des photos et des petits gifs animés sur assemblagerequis.com. C'est pas aussi... hétéroclite que le Ultimate Frisbee puis le Jorky Ball qu'on a découvert dans Zone Campus récemment. Le Jorky Ball, pas Jerky, Jorky Ball. Oh. Ouais. Non, je sais, tu tires à l'arc avec du jerky, ce serait hot. Tu connais les biscuits des Girl Scouts, les petites scoutesses aux États-Unis? Ils vendent des petits biscuits à la menthe, au caramel. Je connais pas nécessairement leurs biscuits. C'est pas grave, mais sache qu'ils vendent ces sortes de biscuits-là. Ils sont super populaires aux États-Unis. Et il y a déjà une Girl Scout qui a vendu 117 boîtes de biscuits en 2 heures en se mettant directement devant une place où on distribue du pot légal médicinal. À vous, c'est une bonne place, là. Pas mal le meilleur endroit. Pas folle. Une femme britannique s'est fait poursuivre parce qu'elle avait mordu le nez d'un homme après qu'il ait essayé de l'embrasser sans son consentement. Elle a gagné et le juge, on sait pas si c'est un homme ou une femme, le juge, mais quand même, qui a dit, et je cite, « Lorsqu'un homme embrasse une femme contre ses souhaits, elle a complètement le droit de mordre son nez. » Donc ça fait précédent. la juridiction du précédent. Ben, j'espère, légitime défense. Voilà. Quelqu'un a réussi à tromper un. Tu sais, les Nigerian scammers, ceux qui t'envoient des trucs du Nigeria ou peu importe par courrier, je suis un roi ou genre je vais t'envoyer de l'argent si tu m'envoies quelque chose. Ouais, je sais quoi, suis là. Un riche prince. C'est ça, le riche prince du sultan de Brunei. Mon tigre est malade. Bon, oui, exact. Donc, un scammer, un crasseur nigérien, on l'a trompé un petit peu. Pour qu'il écrive, ce monsieur-là, le scammer, un roman d'Harry Potter au complet, les 293 pages au complet, et scanner ça avec un scanner de 1200 pixels de large. On lui a offert de le payer 100$ par page s'il était prêt à faire le travail. Donc le gars était là pour crosser quelqu'un, et la personne, avec du reverse engineering, de rentrer dans sa tête de « oui, je vais faire ça, mais il faudrait que tu fasses ça pour moi pour que je puisse continuer ce que tu veux que je fasse », il a réussi à lui faire écrire un roman d'Harry Potter au complet, scanné. N'importe quoi. Écrit à la main et ensuite scanner. C'est génial de tromper un trompeur. Ah, oh, mais il est naïf, là. Un petit peu. En tout cas. Mettons. Mais tu sais, c'est ça. Qui se ressemble, ça semble. Tu sais, si tu veux chercher quelqu'un de facile à tromper, ben peut-être que tu l'es toi-même aussi. Je sais pas. T'es pas meilleur qu'un autre. Tu vois. Penses-tu? Je sais pas. Bonne question. C'est une hypothèse lancée en l'air. Une comme théorie, ça. C'est ça. C'est comme les homophobes, sont-ils tous homosexuels? On sait pas. Le jour du poisson d'avril en 1989, le milliardaire Richard Branson, tu connais le fou à la tête de Virgin, donc le milliardaire Richard Branson, a créé une montgolfière qui ressemblait à un ovni. À ce qu'on s'attend qu'un ovni ait l'air. Ouais, c'est ça, disons le stéréotype de l'ovni. Il a engagé une personne de petite taille dans un costume d'extraterrestre. J'imagine qu'il l'a habillé après, il l'a pas engagé directement alors qu'il était en costume. Toi, je te prends parce que t'es habillé en costume. Ça a l'air bizarre. Quel hasard. Quel hasard. Ah, ben tiens, ça tombe bien. Je voulais justement. Là, on s'entend, on parle d'un costume d'extraterrestre stéréotype. C'est là. Ça. Donc, pour qu'il puisse sortir de la montgolfière et faire peur aux personnes qui étaient proches du vaisseau spatial, entre guillemets, lors du débarquement ou de l'atterrissage. Hey, c'est n'importe quoi. Faut-tu plus savoir quoi faire de son argent? Ben, c'est ça. Mais tu sais, les milliardaires sont milliardaires pour une raison. Parce que des fois, ils ont une petite cloche qui sonne drôle dans la tête. Penses-tu? Je pense que. J'ai des théories drôles aujourd'hui, mais je pense vraiment quand même que c'est. Tu émets beaucoup de théories de jugement, je te dirais. Je sais pas. J'ai chaud. Fait que ça me fait sortir de mes gonds. Depuis 1980. C'est comme une porte du travail à. À la température. C'est ça. Et dois-moi pas te convertir la température à laquelle je me sens en ce moment parce que le convertisseur n'est pas installé. Tu comprends ça? Ouais. Depuis 1995, les dépanneurs 7-Eleven fournissent des millions de coupons au département policier partout aux États-Unis pour donner des billets, des contraventions aux jeunes personnes qui sont pris en plein acte de gentillesse. C'est nommé l'opération Chill. C'est cute. C'est original. Ben oui, Chill. Ouais. Comme l'acteur Daryl Chill Mitchell. Entre. L'opération Chill, les officiers de police peuvent participer. Donc la police locale et le département de shérif. Des contraventions aux jeunes qui font prendre dans des actes de gentillesse, de bonnes actions, d'activités communautaires positives, avec des coupons pour des slurpees gratuites, des slushs. Oh, ça se prend bien, là. Une slush gratuite. Miam. Des offenses, des crimes dont vous pouvez être trouvé coupable. Aider une autre personne. Porter un casque de vélo lorsque vous faites du skateboard ou du vélo. Empêcher un autre crime. Ou participer dans la ligue athlétique de la police. La police a une ligue athlétique. Ah, si t'ouvres la porte à quelqu'un, ça compte pas? Non, c'était parmi ça. Il y en avait d'autres. OK. Parmi ça. Les chats ne sont pas nocturnes, nous apprend-on. Les chats ne sont pas nocturnes. En fait, ils sont crépusculaires. Ce qui veut dire qu'ils sont surtout actifs au lever et au coucher du soleil. Ah! Dans le fond, quand on veut la paix, là. C'est ça. Genre à 5h48 ce matin. T'as une tranche de vie, on dirait, là-dedans, je pense. Mais c'est parce que on dirait qu'elle miaule de plus en plus de bonheur, tu sais. 5h48, je te dirais que je suis comme c'est à la limite, là, j'ai plus le goût de l'étamper dans le mur que de donner à manger. Ouais. Ça quand elle te demande de sortir, là, est-ce qu'elle dit « Let me out! » Miaou. Ça. Elle sort pas. C'est du pérus anglophone, ça, je pense. Des blagues. Facile. Donc, crépuscule. Crépusculaire, c'est le nom du comportement des chats. John T. Daniels. Connais-tu John T. Daniels? Non. C'est le gars qui a pris la photo célèbre des frères Wright lors de leur premier vol. Il avait jamais vu une caméra avant ce jour-là. Monsieur John T. Daniels. C'est un fait intéressant, ça. Oh, puis c'est lui qui est prêt à photo. C'est lui qui est prêt à photo. Ben oui. Lorsque les frères Wright ont voyagé de la petite ville de Kill Devil Hills, en Caroline du Nord, pour tester leur avion, Daniels était un de trois hommes de la Life Saving Station, donc un peu la garde côtière, si on veut, dans cette ville-là, pour aider pour le test. La caméra était une Gundlach Corona 5x7 pouces. Donc, une caméra avec une vitre qui était une propriété des frères Wright. Avant de lancer leur avion, Orville Wright a essayé son trépied, a focusé la caméra à la bonne distance et a préparé le truc pour tenir le film. Ensuite, il a donné à Daniels des instructions comment déclencher le déclencheur de la caméra en squeezant le globe de je sais pas trop comment ça marchait dans ce temps-là. Bref, Daniels avait jamais utilisé ou même vu une caméra avant de capturer cette photo historique. Et puis ensuite, l'avion a décollé pendant quelques minutes. Daniels était tellement excité qu'il a presque oublié de squeezer l'ampoule. Heureusement, il n'a pas oublié à la fin. Donc, on a la photo. Hey, j'espère, imagines-tu? Hey, tout cet effort-là pour rien. T'as-tu dit qu'il y avait un des deux frères qui s'appelle Orville? Ouais, Redenbacher. Ouais, je trouve ça tellement comme champion ou comme nom. Oui, mais Orville. Orville, ils sont frères hors campagne. Orville, ça veut dire... Non, excuse-moi. Hors campagne. Je vais la refaire. Le frère de Orville, c'est campagne, parce que Orville veut dire campagne. Ben, ça dépend. Ça pourrait être comme souris des champs et souris des villes. C'est ça. Hey, as-tu vu, parlant des champs, as-tu vu l'album de Chose des champs, les Maurices? Ils vont des champs. As-tu vu ça? Dans une pharmacie locale. Je sais pas. L'album, ceux qui l'ont vu vont comprendre, ils vont trouver ça hilarant. Ils vont trouver intelligent ceux qui l'ont pas vu encore. Ils vont des chansons. Genre, mais Deschamps, chanson est comme écrit en chanson CHANSONS, puis comme en bleu, puis les restes c'est comme Deschamps. C'est vraiment intelligent, je trouve, comme jeu de mots. Non? Ah. C'est un album où ils chantent dessus. Yvon Deschamps. Deschamps. C'est moi, mais il aurait fallu qu'il s'appelle Yvan, pas Yvon. Ouais, je pense que le mot Yvon est même pas écrit, mais l'album, mettons, s'appelle Deschamps. Mettons. Ah, okay. C'est intelligent. Ouais. C'est beau. Ça fait un beau. Beau petit pun, jeu de mots de Yvon Deschamps. Je sais pas. Je sais pas si c'est son genre, les jeux de mots tant que ça, je me rappelle pas tant. Je suis sûr qu'il a même pas été consulté. Je pense, hein. Il y a des œufs de Pâques pour les enfants aveugles. Ah, sont décorés en braille? Non, ils bipent pour que les enfants soient capables de les trouver. Ben là, c'est de la triche. Ben non, ils sont aveugles, ils développent leurs autres. Mais oh, mais qui est à tonton? À tonton! Et maudit et vulgaire. Donc, c'est ça, c'est pour les enfants aveugles dans la communauté. Des petits œufs de Pâques. Très mignons à regarder apparemment. Il y a des photos sur assemblagerequis.com. Ils vont juste finir par ramper dans le gazon. Là, c'est un petit bip léger. Vraiment comme très, très subtil. Alors, en 1991, il y a une équipe de développeurs de jeux qui ont utilisé une boule blanche comme graphique. Un petit peu un graphique genre, comment dire, temporaire, stand-by. Pendant qu'on faisait le design du protagoniste du jeu, là, on parle de notre ami la petite boule rose. Ça dit quelque chose? Kirby? Kirby. Ah, la boule rose. Oui, donc en 91, on avait mis un graphique, une petite boule de mousse blanche comme graphique temporaire, mais ils ont fini par aimer la boule. Ils ont décidé de le garder à la place de le remplacer avec le vrai personnage et c'est devenu un célèbre personnage, Kirby. C'était un faux personnage que les développeurs utilisaient temporairement avant de pouvoir créer quelque chose de petit peu plus sophistiqué. Il est tellement mignon, Kirby. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça l'affaire. Même dans un jeu comme Smash Brothers, il peut être bien violent. Il peut tout faire, ce personnage. Il peut tout faire. Donc, à la base, il s'appelait Popopo. Éventuellement, il a été renommé Kirby. Masahiro Sakurai. Ouais. Masahiro Sakurai qui voulait qu'il soit rose, alors que Shigeru Miyamoto voulait qu'il soit jaune. Et éventuellement, Nintendo a décidé de le rendre rose, même si le rose est toujours la couleur principale de Kirby. Il y a des jeux qui ont montré Kirby dans une variété de couleurs, dont le jaune. Ah, peu comme un Yoshi. Ouais, genre l'espèce Yoshi ou le personnage Yoshi, dépendant de la situation. C'est ça. C'est ça. En 1958, le docteur Henry Montoya. My name is Inigo Montoya. You killed my father and I prepare to die. Dans la princesse, c'est bouton d'or, non? Hey, t'as des références assez différentes des miennes. Hein? Ouais, mais c'est un maudit bon film, ça. The Princess Bride, si t'as pas vu ça, c'est une parodie des films de princesse et de prince, histoire d'amour, c'est vraiment bon. Ah, c'est de choses qui a fait Héros en collant. Exactement, exactement. Je me rappelle pas de son nom. Hein? Ben non, tu sais bien. On est pas très très rapide là-dessus. Attends, pas Michael quelque chose. Michael Bublé qui a fait ça. Non, c'est. Réalisateur Rob Reiner. Hein? Rob Reiner. Pas Rob Schneider. Rob Reiner. C'est un autre gars. Oh. C'est pas son frère non plus. Bref. Princess Bride, regardez ça si vous l'avez pas vu. Donc, on revient au fait qu'il avait absolument rien à voir. En 1958, le docteur Henry Montoya de l'Université Michigan State a étudié la résistance au choc. Oui. des casques de football. En demandant aux joueurs de porter les casques et ensuite d'échapper des poids sur leur tête. Pas des poids. Des poids verts. Les... Non. Des poids, là. Des gros poids. Des poids. Des poids lourds. Ah, des gros poids verts. Des gros poids verts, exactement. Tout compris. C'est tout ce qu'on a retenu. C'était en 1958, il n'y avait pas encore inventé les gros poids à lever. plusieurs pharaons égyptiens, à l'époque, hein, étaient gros et pas très riches. Évidemment, le contraire de ce qu'on montre typiquement de cette époque-là. Mince et riche. Mince et riche. Donc, c'était probablement à cause de leur diète, leur régime d'alcool, de pain et de miel. Oh, bon. N'importe quand. Vraiment, là. J'aimerais ça. Moi, être un pharaon égyptien. Mais... En 2012, un artiste s'est déguisé en Hamburglar. Tu connais le personnage de McDonald's? Hamburglar? Hamburglar, c'est un personnage de McDonald's dans leur... Non. Tu sais, leur parc thématique, leur parc pour enfants. Il y avait des personnages, la grosse bête mauve, puis le Hamburglar, qui était celui qui ressemblait un petit peu à... Un hamburger, peut-être? À un burger Valère, d'où le jeu de mots. Ouais. Place, avec un petit bandeau noir, si tu viens de ça. Bref, ceux qui vont encore genre à Berthierville ou genre à la seule place où il y a encore un parc pour enfants. Bref, en 2012, un artiste s'est déguisé en hamburger. Il a fait du vélo à New York en lançant des cheeseburgers en partie mangés. Mais là! Ouais, aux piétons. L'artiste disait qu'il voulait être une de ces choses qui allait gâcher ta journée, mais dont elle allait te souvenir pour toujours. C'est pas mal vrai. Hein. C'est clair que si tu manges un Big Mac dans la face, mais hors de ta bouche, oui. Tu t'en souviens. Et manger par quelqu'un d'autre, je préfère le manger moi-même, je te dirais. Ben, tu remontes à terre, tout fini. Ben c'est ça, c'est comme un crime avoué et à demi pardonné. Burger à moitié mangé et à moitié mangé par l'autre. Ah non, mais tu sais... T'as une mascotte qui te lance un burger, tu peux pas comme vraiment être rancunier. C'est comme mascotte qui te lance un rouleau de papier de suite tout. T'sais. Il devait manquer de sous. Hein? Il devait manquer de sous pas mal, ouais. Parce que des fois, je regarde ça, je suis comme « Ish! » Hein, l'orgueil. L'orgueil, où es-tu? En tout cas, c'est son choix. Un pilote d'avion a commandé 30 pizzas pour ses passagers après avoir appris qu'ils allaient avoir un délai à cause de la météo. Les pizzas ont été acceptées par la sécurité et ont été envoyées directement dans l'avion. Cool. Je sais pas si c'était par un gars à vélo qui lançait des pizzas à moitié mangées. Aucune idée, l'histoire ne le dit pas. Il y a des... ce qu'on appelle des lettres du dernier recours à bord des sous-marins nucléaires britanniques qui contiennent les commandes à exécuter si jamais il y avait une attaque nucléaire ennemie qui détruirait donc l'État britannique et qui tuait le premier ministre. Donc il y avait une lettre de dernier recours, quoi faire en ce cas-là. C'est quatre lettres écrites à la main, identiques, écrites par le premier ministre du Royaume-Uni, commandant aux officiers et aux quatre sous-marins missiles balistiques britanniques, les British Ballistic Missile Submarines. Ça contient donc les commandes, les ordres à faire, quoi exécuter en cas d'attaque ennemie qui aurait détruit le gouvernement au complet, qui aurait tué ou incapacité, le premier ministre et la deuxième personne en commande, donc souvent qui est le membre le plus haut gradé du cabinet du Royaume-Uni. Des choses compliquées. Mais donc ces actions-là seraient ce que t'as à faire, chose. Suis les ordres. Et si les ordres devaient être exécutés, l'action qui était prise pourrait être le dernier acte officiel du gouvernement de Sa Majesté avant l'explosion de l'endroit. Plusieurs autobus d'école, ça c'est vraiment, je trouve, assez fascinant. C'est les autobus scolaires qui sont jaunes parce que ça attire l'attention plus rapidement que n'importe quelle autre couleur. Les scientifiques décrivent ça comme suit. Je cite, la vision périphérique latérale pour détecter les jaunes, les teintes, les nuances de jaune, c'est 1,24 fois plus élevé le taux de détection que le rouge. Hein? Donc le jaune et les. C'est pour ça que des fois il y a un arrêt stop puis tu le vois pas. C'est ça. C'est pas de ma faute, monsieur l'officier, viens qu'il aille faire jaune. Ben c'est ça. Ma vision périphérique latérale là. Elle détecte 24 fois mieux les jaunes que les rouges. Que voulez-vous? Je ne l'ai pas vu. Ça n'a pas ma faute, je n'en ai pas. Ok, ça va. Jaune, elle l'a pas vu! Ouais! Je l'avais pas entendu. Ah, excuse-moi. Mais non, elle est bonne. Merci, je suis tellement subtil des fois. Non, mais ben, justement. Des fois, c'est peut-être mieux. qu'on s'en rende pas compte. Ah, t'es drôle. C'est toujours. C'est pour récompenser les gens qui écoutent la balade aux diffusions. Ouais. Bref, qu'est-ce que je disais? Même quand tu ne regardes pas droit devant, tu peux voir les objets jaunes qui ne sont pas devant toi dans les coins de tes yeux. Donc, c'est ce qu'on appelle la vision périphérique latérale. Donc, beaucoup plus rapidement que n'importe quelle autre couleur, même le rouge, les scientifiques appellent ça lateral peripheral vision. Donc, plusieurs experts disent aussi que des couleurs comme le jaune et des genres de jaune verdâtre un peu sont visibles par l'œil humain dans des conditions plus sombres comparées au rouge. En avril 1939, le docteur Frank W. Cyr, a organisé une conférence qui a établi donc, les standards de la construction des autobus nationaux pour les écoles aux États-Unis, dont la couleur standard du jaune. La couleur a été sélectionnée parce que ça attire l'attention plus rapidement, comme on disait. Ça a beau dire trois fois, ça va pas devenir plus vrai. Donc c'est devenu, on l'a nommé, National School Bus Chrome, la couleur jaune, le couleur. le groupe de musique. Ben c'est ça, genre celui qu'on va écouter à l'instant, mettons. T'es pas sérieux. Avec Télé Jeans? Hey, je suis sûr que c'était prévu. C'était prévu. T'es un peu comme sous le choc, genre. Ah, c'est... Wow. Tu m'appelais Sir, moi aussi. I'm flabbergasted. Thank you very much, Mr. Roboto. par Le Couleur à Assemblage Rock. Maintenant, c'est le moment de prendre une petite pause au retour. Plus de C'est un fait. Et après ça, David Ferron sera là avec sa chronique Les Notes Salées à Assemblage Rocky sur C'est fou. Fou d'Indie Rock. C'est fou, 89.1. Assemblage Rocky est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky en ce mardi 28 avril 2015. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ah oui. C'est la dernière semaine d'Assemblage Rocky. Il nous reste 3 émissions, incluant celle-ci. Ça veut dire qu'on n'a pas encore beaucoup de temps dans cette session-ci pour apprendre le plus de choses possible. Donc, on va se clencher une autre partie de C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. Hey! C'est un fait. Hey! C'est drôle parce que... depuis le début de la session d'automne, depuis que je n'ai mal à l'huître, il y a un membre du public, Joey, donc je le salue, qui me... Allô! Qui me m'incite ou insiste à ce que je chante la chanson de retour de pause de la luître à chaque fois que la pause a lieu, puis après ça, 10 minutes plus tard, on met « Wake me up before you go go ». Et il me demande à chaque semaine quand est-ce que tu vas la chanter par-dessus. Fait que j'ai dit « Ah, le dernier match de la saison, tu sais, moi, quand je promets quelque chose, tu sais, je finis par le faire, tu sais. » Ah ouais? J'ai fait, puis Colin, c'est dur parce que quand tu t'entends pas chanter, tu sais, t'es pas sans note nécessairement, tu sais. Ah, même des fois quand on s'entend. Ben c'est ça, parce que tu sais, je veux dire, c'est un fait, je la chante sur une note plus grave, tu sais, mais ça s'applique pas vraiment à Wake Me Up Before You Go Go. Peut-être j'aurais dû la chanter plus haut. Mais des fois, tu sais pas, puis là, une fois que t'es embarqué dedans, tu peux pas comme changer de note. Non. Pas mal un peu. Ouais. Tu vois, bref, tranche de vie, comme on dit. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les sources sur assemblagerocky.com. On commence dans les années 70. On n'ira pas par ordre chronologique sur les faits. Non, en ordre alphabétique. C'est ça. Ben, justement, Arnold Schwarzenegger. Bon. C'est un A, ça. Hein? Donc, dans les années 70, à la finale de Monsieur Olympia, les juges n'arrivaient pas à décider entre Arnold Schwarzenegger et Sergio Oliva. Donc, les... tu parles de concours de culturisme, j'imagine? Un concours de... Ouais, c'est de Monsieur Olympia, Monsieur de... Ouais, c'est du culturisme. D'accord. Les deux, épuisés, se sont entendus qu'ils allaient tous les deux quitter la scène. Donc, Sergio est parti, puis Arnold, après avoir pris un pas, il s'est retourné vers les juges, il a ri de Sergio qui était parti, puis il a commencé à faire ses petites pauses, puis il a gagné. Oh! Hein? Es-tu sérieux? C'est hard, là. C'est pas gentil. C'est vraiment parfait, le fake-out, false start, etc., puis oh, revenir, c'est très bon. Donc, après plusieurs minutes de pause et les cris et les applaudissements du public, Arnold a regardé Sergio, a suggéré qu'ils arrêtent tout ça. Donc, leur folie, on est de retour au début quand les deux étaient presque gagnants. Donc, Sergio a rapidement quitté la scène. Et puis, c'est ça, immédiatement, les fans ont commencé à huer et Arnold s'est arrêté. Il a regardé le public et instantanément, il a eu l'idée de faire comme s'il y avait un petit fake-out. Il est revenu. Super. Donc, il est devenu Monsieur Olympia. En 1963, Alfred Heineken, peut-être que le nom t'a dit quelque chose, a créé une bouteille de bière. Ouais, quelques vaguement. En fait, je crois que je t'ai peut-être parlé de celui-là. Je crois que oui. C'est la maison faite à partir de bouteilles de bière. Donc, je le répète pour ceux qui l'avaient pas entendu. En 1963, Alfred Heineken avait créé une bouteille de bière qui pouvait aussi fonctionner comme brique pour construire des maisons dans des pays pauvres. Mais oui, je confirme, je me rappelle de la photo. Puis c'est super beau. Oui, c'est ça. C'était l'ancienne mode de la vitre verte. C'est quand même beau. La plupart des mini-figurines Lego ont une peau jaune parce que Lego voulait éviter de donner une ethnicité spécifique et permettre aux fans d'assigner leur propre rôle aux mini-figurines. Ah. Ce qui me rappelle un peu les émoticônes, les emojis sur les téléphones cellulaires, des fois, vont être jaunes. Là, maintenant, on a sur les produits Apple les nuances de peau blanche, moyenne milieu. Il n'y avait pas des bonhommes Lego noirs? Je pense qu'il y a sûrement déjà eu des bonhommes Lego noirs. Je suis certaine que oui. Probablement. Mais à l'origine... Les fantômes blancs. Les fantômes blancs. Mais à l'origine, c'est ça, ils étaient jaunes pour justement pas faire ça. C'est clair. À moins que je me trompe avec les Simpsons. C'est peut-être ça, je sais pas. Donc, ils ont choisi le jaune pour éviter une ethnicité spécifique assignée. C'est une couleur neutre. On pouvait donc assigner notre propre rôle. Dans certains ensembles, donc comme les ensembles cinématographiques inspirés par des films, ils voulaient présenter les personnages aussi authentiquement que possible. Donc, certaines figurines vont avoir différents rôles ethniques pour rester vrais à leur personnage dans le film. En 1942, le HMS Porcupine, ça c'est un bateau, hein, a été coupé en deux par une torpille allemande. Les deux côtés ont ensuite été sauvés et renommés le HMS Pork et le HMS Pine, donc Porcupine. C'est donc ben drôle! Donc c'est un destroyer de classe P, P-class destroyer, construit par Vickers Armstrong sur la River Tyne. Donc c'était torpillé en 1942, mais sauvé ensuite défait pour être rassemblé en 1947. C'est à peu près ça. Ouais. Ensuite, quelqu'un qui s'occupe des parcomètres aux États-Unis, ce qu'on appelle des fois un parking meter attendant ou parking maid, il y a plein de mots pour ça. Donc, il y a une personne qui s'est fait accuser. En fait, pas fait accuser, s'est fait prendre la main dans le sac plus pour avoir volé 90 000 $ en 25 cents. L'équipe de la banque, donc le staff, a commencé à trouver ça suspect parce qu'il venait régulièrement déposer de grands montants en pièces de monnaie dans son compte personnel alors qu'il portait toujours son uniforme de personne qui s'occupe des parcs communs. Subtil, c'est vraiment... Écoute, ça me rappelle un excellent épisode de American Dad. Okay. Où Stan, en fait, il sent qu'il fait pas assez d'argent pour sa femme. Et je pense, pour une raison de la cour, il doit de travailler en tant qu'homme de parcomètre. Ouais. Et il vole les 25 cents. Ils sont super riches. Ils mènent une vie de rêve. Et tu sais, ça dégénère. Mais c'est très, très drôle. Je me demande si ça serait pas inspiré de cette histoire-là. Probablement. Sûrement, en fait. Et depuis quelques semaines, à la télé, sur une chaîne que j'écoute en streaming illégal parce que j'ai pas le câble, il joue la série Heist sur les vols de banque. C'est vraiment fascinant de voir comment le gars saute par-dessus un mur de 12 pieds de haut, genre comme un ninja. Là, c'est le genre de choses que je trouve vraiment cool. Les trucs de vol d'argent, c'est pas cool de le faire, mais c'est cool de voir la débrouillardise des ben gens. Oui, ben c'est oui. Ça qui est le fun. Ou des fois l'imbécilité. Aussi. Ensuite, surtout genre quand la police est pas au courant, il y a un épisode où le gars porte une grosse barbe. Non, il porte un masque. Pas une barbe, un masque, ok? Un masque genre bleu et orange. Fait que la police le surnomme, puis là dans les journaux on utilise le nom WWF, genre Bank Robber, tu sais, peu importe. Là. Mais après ça, on s'est rendu compte. La banque de caoutchouc. Bank Robber, droit. Mais après ça, on se rend compte que Colin, c'est un masque d'une équipe de football qui est supposé imiter les lutteurs, genre. Ah, ça, c'est très drôle. Fait que, tu sais, ils l'ont appelé par un nom qui a comme pas rapport. Fail. Je trouve ça drôle. Fail de police. C'est des parenthèses de parenthèses. On revient à cet fait. Les gens pensent plus rationnellement dans leur deuxième langue, et font de meilleures décisions sur une étude en pensant, en ayant vraiment réfléchi en une deuxième langue. C'est intéressant. Ah, donc, hein? Ça peut être une bonne chose de faire des études dans une langue étrangère. Oui. Ça arrive souvent d'aller étudier à l'étranger. Oui. Tu penses plus rationnellement. Je trouve ça intéressant. Mais j'imagine qu'il faut que tu sois déjà bilingue là, pour que ça fonctionne. Ben c'est ça. Là. Quand... Oups. Sinon, tu es limité dans tes réflexions. Mais ça. OK. Il n'y a aucun problème. le plus vieil arbre bonsaï du monde. OK. Dans le fond, quelqu'un s'en occupe depuis plusieurs générations. Plusieurs personnes qui s'en sont occupées pendant plusieurs générations. Le plus vieux, donc, bonsaï du monde a 800 ans. Oh. Les arbres peuvent grandir, pousser pendant des milliers d'années. Les arbres bonsaï, s'ils sont bien entretenus, peuvent aussi devenir très très vieux. Certains des plus vieux bonsaï du monde ont plus de 800 ans. Le résultat de plusieurs générations de patience et de dur labeur. Tiens, d'ailleurs, le petit arbre qui est en photo sur assemblagerequis.com, dans C'est un fait, est un Japanese White Pine, un pin blanc japonais tranché, sûrement. tranché. Justement, ça je me demandais, faut-tu le tranches pour savoir son âge, l'arbre? C'est comme une tranche de pin. Tu peux savoir quel âge qu'il y a en tranchant. Mais comment ils font pour savoir quel âge il y a? Le pain, hein? Ouais. En le trempant dans de la sauce brune, puis en y goûtant. Non, je sais pas. Je sais pas comment ils font. Je sais vraiment pas. Je sais pas. Peut-être la grosseur du tronc, mesurer ça, j'ai aucune. À part se fier à la bonne foi des occupants. C'est ça, parce que ça peut pas vraiment être les racines, tout ça, parce que j'imagine que quand tu transplantes, j'imagine que tu dois couper quelque chose. C'est quand tu transpires. Ouais. Donc, c'est ça, l'arbre Japanese White Pine qu'on voit sur la photo sur assemblagerequis.com a survécu à Hiroshima. Hey, wow! Ouais, c'est vraiment cool. 6 générations de travail et de patience par la famille Yamaki. Bon, atomique, puis en 1945, Hiroshima. Puis l'arbre a survécu, a plus tard été donné au National Bonsai and Painting. Museum à Washington. Eh ben. Les sons. Ah, celui-là, ça va être un soutien sonore hein, qu'on va aller chercher. Bonne chance, hein? Plusieurs sons vraiment épeurants entendus dans des films sont créés par le même instrument qui s'appelle le waterphone. Le téléphone d'eau? Le téléphone d'eau. Aquatique? C'est... Tout le monde aime Maryland. Il tasse la même note aussi, le téléphone d'eau. Ah, bloop. Non, mais la lettre, la note Do, je dirais, sûrement. Ah, ben oui, logique. Ben oui, quand même. Donc, Waterphone, OK. Je suis rendu à pouvoir te faire entendre ça, Steph. C'est cool, hein? Donc, le Waterphone, c'est un instrument qui fait un son épeurant, qui est régulièrement donc en vedette dans des trames sonores de films. Et on va en écouter un à l'instant K. Voilà. À l'instant K. C'est l'auteur de livre. À l'instant. En fait, je vous explique un petit peu. Ça ressemble à un disque. Il y a plusieurs notes. Plusieurs notes. Hein. C'est comme un disque avec un tuyau, un cylindre de métal dans le milieu. Et tout le tour, t'as, tu sais, un peu comme des longs clous. Tu sais, la fois que tu te mets sur la tête pour faire des massages, là. Des arc, broches, là. Mais hein. Ben, c'est un peu ça, mais plus solide, OK? Et donc, on prend une baguette. Ça, c'est caractéristique. Et on peut frotter, là. Ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de frotter sur le disque en dessous. Et le reste, les gling-gling, ça, c'était plus ça ici, ça va être ça. Ici, tu vois, ça, c'est un... il prend comme un peu un archet de violon qui a un fil dedans. Et il frotte le fil. Donc, au début, c'était une balle, peut-être pas de caoutchouc, mais ce qu'il y avait à l'embout de la baguette qui faisait les ding-ding-ding-ding. Après ça, il frottait en dessous du disque. Et ça, c'est la corde de l'archet, mettons. Archet. Ah, je sais pas ce que je dis. C'est beau. Non, c'est terriblement désagréable. Moi, j'adore ça. C'est très, très X-Files. C'est bon, ouais, c'est bon. Ah, ben, si t'as peur, hein, je vais arrêter ça. Je voudrais pas te faire pas faire des cauchemars. Mal au cœur. Ah, OK. Donc, ça s'appelle le Waterphone, si vous voulez aller voir les vidéos sur YouTube. Ensuite, en 2001, les conservationnistes animaliers, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, ceux qui veulent conserver le patrimoine animalier? Oh, c'est en plein ça. Le poitrimalier, comme on l'appelle. Donc, a approché Wimbledon en espérant pouvoir protéger les espèces de souris, ben, en fait, les Eurasian Field Mice, souris de champ eurasiatique. Donc, les gens de Wimbledon ont décidé de donner, de faire un don de 36 000 balles de tennis utilisées lors de leur tournoi. Au groupe de conservation des animaux. Pas qu'on a conversation animalière, ça a l'air bizarre. On dirait Dr. Doolittle. Donc, pour pouvoir recycler les balles pour être utilisées comme maison pour les souris, donc on coupe un petit... on fait un petit trou dans les balles de tennis et c'est pour encourager donc la copulation et le... la continuité de l'espèce de souris. Et ces balles-là, donc, les protègent des prédateurs potentiels, comme les oiseaux et les écureuils. C'est cute de voir les petites souris dans des balles de tennis. Oh! Comment beau! À l'intérieur du territoire de la CIA en Virginie, il y a un des Starbucks les plus secrets au monde. Ça s'appelle un Starbucks furtif. Les baristas n'ont pas le droit d'écrire les noms des gens sur leur verre, contrairement au vrai Starbucks où ils écrivent ton nom tout croche avec des Y, puis des F, puis des PH, puis des peu importe. Donc, ils n'ont pas le droit de dire à personne non plus où ils travaillent. C'est la succursale de Langley en Virginie, donc de Starbucks, qui est une des plus occupées au monde, située à l'intérieur du terrain de la CIA, aussi la plus furtive. Donc, les baristas passent à travers un processus d'entrevue rigoureuse et de vérification de leurs dossiers, background checks et tout. Ils sont escortés à l'agence par des minders, donc des gens qui s'occupent de toi, pour quitter ton aire de travail. Il n'y a aussi pas de carte pour clients fréquents, comme on a chez Starbucks d'habitude. Carte fidélité, exactement. Et voilà, donc, parce que les données qui sont mises sur les cartes pourraient être trouvées par des gens... ça pourrait tomber entre de mauvaises mains, si on ben veut, oui. Des informations. T'sais. Ça pourrait outer les agents secrets. Ouch! Une femme qui avait gagné la loterie. OK? Donc, c'est a voulu se divorcer rapidement. Hein? Et elle a perdu tout son argent envers son ex-mari parce qu'elle n'avait pas... ce qu'on dit disclosure en anglais. Elle n'avait pas avoué qu'elle avait gagné. Ensuite, il l'a poursuivi. C'est ça. Attends, on va recommencer ça. Donc, et à la fin, il a perdu tout l'argent de la loterie contre son ex-mari. Résultat d'avoir violé donc les règles de full disclosure, où tu dois avouer quand que tu gagnes quelque chose. Plus tard, il l'a poursuivi après avoir appris qu'elle avait gagné de l'argent donc son mari, et puis finalement, elle l'a tout perdu. Hey, c'est n'importe quoi. En effet, faut que tu dises tout ce que tu gagnes dans la vie. Non, mais déjà, c'est pas ton argent. Ouais. Arc. Ouais, arc, en effet. Le stéthoscope a été inventé parce qu'un physicien français nommé René Laennec trouvait ça inconfortable de mettre son visage, sa face sur la poitrine d'une jeune femme. Tu savais ça? Oui, oui. Donc le stéthoscope est un des instruments... Il est vraiment en cave, il aurait pas en profiter. Ben, tu sais, je suis... I'm a female breast investigator, je suis dans le FBI. Donc le stéthoscope est un des instruments les plus communs chez les médecins. Un instrument, donc, c'est qui est un symbole de la médecine... donc l'histoire de l'invention est quand même intéressante. En septembre 1816, en entrant dans une cour du palais du Louvre à Paris, docteur René Théophile Hyacinthe Laennec, un français physicien de 35 ans, observait deux enfants qui s'envoyaient des signaux l'un à l'autre en utilisant un long morceau de bois et un clou. Donc avec une oreille d'un côté, l'enfant recevait le son amplifié à partir du clou qui grattait de l'autre côté du bois, etc. Donc plus tard cette année-là, Laennec a été appelé chez une jeune femme avec des symptômes généralisés de maladie du cœur. Donc l'application de sa main à la poitrine et la percussion offraient très peu d'assistance pour un diagnostic. Donc Laennec ne voulait pas placer son oreille sur la poitrine de la patiente, étant donné son âge et son genre. En ce moment de gêne, Laennec a repensé à son observation de l'enfant avec le clou puis la planche de bois. Donc c'est cette inspiration-là qui l'a mené à inventer le stéthoscope. Je trouve ça intéressant. Fascinant. Je trouve ça fou comment il y a des gens tellement brillants qui font des associations comme ça. Merci. Exactement. Jean Brien. Merci, Jean Brien. la première fois qu'un... tu connais la tribu des Navajos amérindiens? Oui. Donc, la première fois qu'un bébé Navajo rit, la famille fait une fête. La personne qui a fait rire le bébé va couvrir les dépenses, va préparer la nourriture, va rassembler du sel. Tu t'arranges pas... pour pas faire. Pour pas que ce soit toi. Va mettre des bonbons et des cadeaux dans un sac et ensuite va inviter les amis de très près et de très loin à venir assister à ça. Donc les Navajos qui ont une tradition unique lorsque le bébé naît. Donc c'est un cadeau précieux qui ne doit... après... il y a beaucoup, beaucoup de détails. Donc on attend le premier rire du bébé. Et la question qu'on va demander souvent aux parents... c'est « Est-ce que votre bébé a ri? » C'est une question commune. Est-ce qu'il a déjà ri? Ah. Et le premier rire est donc un événement significatif qui marque le passage de l'enfant du monde des esprits au monde physique, voulant dire qu'il est, il ou elle est maintenant un vrai humain. Donc ça demande une fête. Voilà. Intéressant. Ensuite, il y a une sculpture localisée. Ben, on a parlé de la CIA tantôt. Donc sur le terrain de la Central Intelligence Agency à Langley en Virginie, qui contient 4 messages encryptés. Des 4 messages, 3 ont été résolus et le 4e est toujours un des codes, dans le fond, irrésolus, les plus célèbres au monde. Encore en ce moment. Cryptos, qui est une sculpture encryptée par l'artiste américain Jim Sanborn. Situé donc, sur le terrain de la CIA en Virginie. Depuis sa dédication le 3 novembre 1990, je sais pas si on peut dire ça, c'est sa dédication, en tout cas, peu importe. Donc, il y a eu beaucoup de spéculations par rapport à ce que veulent dire ces messages encryptés. Et puis, c'est ça, la sculpture qu'on continue de fournir une certaine diversion, un divertissement pour les crypto-analystes, amateurs et professionnels, qui essaient de comprendre la dernière section. Le sculpteur a même donné des indices à différentes occasions. On peut lire les messages résolus sur assemblagerequis.com. Il y a un petit lien vers ça. Les McDonald's à Hong Kong peuvent accueillir des mariages, des McMariages pas chers pour les couples. Ça coûte environ 1 200 $. Ça fournit, dans le fond, McDonald's fournit la nourriture et les boissons pour 50 personnes et un gâteau aux pommes. Un peu comme les chaussons aux pommes. Hein? Lancé en 2011 dans la région pour accommoder les demandes des clients. Les gens demandaient ça. C'était des demandes. Ouais, depuis ce moment-là, donc McDonald's a servi plus d'une douzaine de wedding parties et ils ont augmenté le service. Maintenant, c'est dans 3 restaurants. C'est passé de 3 restaurants à 15 restaurants. Quand même. Fallait voir le site de McDonald's Hong Kong sur mcdonalds.com.hk. Je préférais pas me marier pendant tout. Plutôt que d'aller là. En plus, imagine si je gagnais à la loterie. Ouais. Belle. Hey. Les gens peuvent se sentir plus fatigués après avoir fait une sieste qu'avant à cause de l'inertie du sommeil. Si quelqu'un se réveille avant d'être rentré dans un cycle de sommeil, dans un sommeil profond qui fait partie du cycle de sommeil, mais avant qu'un cycle complet de 1 heure et demie environ ait été complété, des parties du cerveau peuvent rester endormies jusqu'à une demi-heure après, causant donc une sensation de lendemain de veille. Ça arrive quand tu fais une sieste trop courte. Ça m'est arrivé la semaine passée. Hey, c'est fascinant. Je le sais, mais je me suis demandé pourquoi. Et puis là, je tombe sur un fait là-dessus. C'est quand même un drôle d'adorbe. Quelqu'un qui t'espionne. Oh! Donc c'est ça, si tu prends plus de 30 minutes, tu vas finir dans un sommeil profond. Donc l'inertie du sommeil est un état psychologique caractérisé par un déclin de la dextérité motrice et donc une impression subjective d'être un petit peu grognon après un réveil abrupt. Tout plein d'autres détails, vraiment beaucoup d'autres détails sur assemblagerequis.com. C'est selon une étude de Human Factors Division à la NASA, au Ames Research Center, qui nous apprend qu'il y a une variété de facteurs qui influencent la durée de l'inertie du sommeil. Voilà. Ensuite, l'Australien Bill Morgan, qui a été déclaré mort pendant 14 minutes. En fait, il n'a pas été déclaré pendant 14 minutes, c'est un peu long. C'est, t'es mort pendant 14 minutes. C'est long. C'est un peu long. Mais il a été déclaré mort et ensuite vivant 14 minutes plus tard. Donc, bref, pour célébrer sa survie, je pense que tu vas aimer celle-là. T'as parlé que t'aimais le truc de loterie, t'en retournes, regarde bien ça. Pour célébrer sa survie, il a acheté un billet à gratter. Il a gagné une voiture. Okay? Les nouvelles locales lui ont demandé de faire une reconstitution. Tu sais comment ils sont des fois? Une reconstitution de son grattage de billets. Uh-huh. Il a acheté une autre carte et il a gagné le jackpot de 250 000 $ lors de la reconstitution. Non. Je te le jure. Mon Dieu. C'est il est tombé mardeux. Bill Morgan. Vraiment, là, félicitations. Tu mérites amplement. C'est un plein de kéké. Et une grosse moustache en plus, c'est drôle. Ah, oh, cool. Ouais, lorsque le premier prototype de iPod a été montré à Steve Jobs, il l'a laissé tomber dans un aquarium et il a utilisé des bulles d'air pour prouver qu'il y avait de l'espace vide et qu'il pouvait le rendre encore plus petit. Il a pas dit « j'aimerais ça qu'il soit à l'épreuve de l'eau », ce qui aurait été cool aussi. Aussi. T'sais? Mais c'était peut-être pas accessible encore. Peut-être pas. Mais quand même, t'sais, ça montre l'attention aux détails. Et tu sais, j'ai posté sur Facebook ce matin, je trouvais qu'en fait, quand j'ai lu cet article-là, je me suis dit « wow, c'est exactement ma façon de penser ». C'est un article de René Ritchie sur iMore.com qui parle de la différence entre Apple et Samsung et l'attention aux détails. T'sais. Oui, j'ai vu passer ça, ouais. J'ai pas pu le lire parce que tu me parlais d'envie de vie réelle. Ouais, c'est ça. Mais bref, t'sais, René Ritchie qui a tracé des lignes sur un iPhone pour montrer que le trou d'écouteur, le trou Lightning dans le milieu et la grille pour le haut-parleur, tout exactement aligné au centre du téléphone. Mm-hmm. Le côté, la carte SIM, l'autre côté, les boutons de volume, tout est égal de chaque bord. Tout est symétrique. Mm-hmm. Puis il montrait un Samsung où la prise d'écouteur est beaucoup plus basse. L'autocollant est croche. Il y a un autocollant croche dessus. Les trous de la grille sont beaucoup plus hauts. Fait que tout est tout croche dans le fond sur un produit Samsung. T'sais. Puis je trouvais que c'était exactement vrai. Une fois que tu sais que la clôture chez vous a été peinturée juste d'un bord, puis l'autre bord n'est pas peinturé. Une fois que tu le sais, tu peux pas dévoir non, ça. Non, c'est croche. Non, ouais. Tant qu'à faire quelque chose, aussi bien le faire. Fait que je savais très bien, avant même de le poster, que j'allais avoir des commentaires de chiale professionnel sur Facebook, mettons. Mais ça, de toute façon, je pense que c'est des gens qui peuvent pas comprendre l'obsession de la symétrie ouais, exact. Qu'on pourrait avoir. Mais tu sais, tout particulièrement toi pour la symétrie. Tout à fait, exactement. Mais tu sais, les commentaires, c'était même marqué dans l'article. Je sais que les gens vont rire de cet article-là comme étant quelque chose de vraiment comme beaucoup trop poussé, tu sais. Mais moi, ça reste vraiment ma philosophie, mm-hmm. ma façon de penser, puis je vais pas changer d'avis là-dessus, tu sais. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi la notoriété d'Apple. De Steve Jobs et de Apple. C'est de tous ces petits détails. C'est exact. Eux, ils préfèrent payer moins cher pour un produit fait tout croche. Ils ont le droit, puis je les juge pas là-dessus, mais tu sais, jugez-moi ben pas oui, sur ça. Mais oui, t'es juge. Non, parce qu'en tant que tel, probablement qu'ils ont raison que leur appareil est peut-être plus sophistiqué dans certaines affaires, probablement, tu sais. Il y a des avantages et des inconvénients à tout. Moi, je préfère quelque chose qui a été bien pensé, parce que si tu penses bien à peinturer les deux côtés de ta clôture, peut-être que tu vas prendre soin du reste de ce que tu fais aussi. Puis des bugs logiciels, comme disait l'article de Ray Ritchie, les bugs logiciels, comme mettons, bon, tu sais, je sais pas, bon, le téléphone, il y a pas telle fonctionnalité dedans, tu sais. Ça peut tout se changer, mais un téléphone qui est fait croche à la base, c'est des atomes, des affaires coupées dans des pièces, ça se change pas. Fait que, tu sais, aussi bien faire un produit qui est correct physiquement, puis tu changeras le logiciel qui marche moins plus tard. T'sais. Comme la vie privée, le iCloud qui marche mal. T'sais. Moi, je préfère cette philosophie-là que la philosophie de Samsung. Chacun son genre. Bref. Chacun ses choix, chacun ses besoins. Exactement, c'est comme, tu sais, mettons, il y en a qui veulent pas écouter, mettons, des chansons, même s'ils sont bonnes, parce qu'ils ont peur de l'avoir dans la tête toute la journée, mettons. Comme, mettons, Danko Jones. Ah non, t'es bien pas fin. Avec Do You Wanna Rock? Cruel. Elle l'a pour toute la journée dans ta tête. Do you wanna rock? My sound don't ask, but I like to watch. wanna trust. I never wanna leave you. I always wanna see you. The music's gonna stop. So do you wanna ride? Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The beat is calling us, I never wanna get enough. Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The music's gonna stop, so do you wanna ride? The folk. C'est fou. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est Assemblage Rocky, émission matinale en pièces détachées. On est toujours mardi. C'est le 28 avril 2015 et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ah oui. Tu sais, je parlais tantôt de l'article que j'avais posté sur Apple et Samsung. J'aime le petit débat que ça peut créer. Par contre, il dit, une de mes connaissances dit « J'aime que cet éloge aux produits Apple qui sont alignés est écrit par un gars qui met ça au deuxième rang dans sa description. Apple Analyst. » Il n'y a pas de billet du tout ici. C'est un analyste Apple. Ça fait qu'il est un petit peu biaisé envers Apple. C'est quand même un peu vrai. T'sais. Il dit... J'aime ça les lire en nom, c'est encore plus drôle. Il dit « Je préfère de loin avoir les trous alignés parce que ça me donne l'impression que la job a été bien faite que de savoir que la job a réellement été bien faite étant donné les multiples avantages de l'autre cellulaire. Dans le fond, je suis vraiment content que mes mags soient parfaitement posés sur mon char. Ça me donne l'impression que le garagiste a fait un excellent job et j'en déduis que le reste est bon aussi. Et je m'en fous dans le fond que l'autre garage me dit que ma transmission est pétée, que j'ai plus de frein et que mon pare-brise a été remplacé par du Saran Wrap. Ça a bien du sens. C'est l'ironie de la chose. » Je trouve ça drôle. Un peu vrai pareil. Un peu vrai pareil. Donc voilà, toujours l'assemblage requis. Ça veut pas dire que l'un a raison et que l'autre a tort, mais bon. On va écouter une petite pièce en attendant David Ferron, s'il peut nous rendre visite éventuellement. Parce ben, que sinon, on a. Ça, parce que moi, je m'ennuie. Ouais, puis on a une chronique à 9h qu'on veut faire aussi. Yes. Pour l'instant, on écoute nos amis de Navarre. Voici Trouver Asile. Tu es belle. Tu as What you like, what I like. Why can't we both be right? C'est Don't Wanna Fight sur l'album Sound and Color. Don't Wanna Fight, I Wanna Rock. I Wanna Rock. Do you wanna rock? Et avant, c'était Navarre avec Trouver Asile, deux pièces de suite. Deux pièces de suite parce qu'il fallait qu'on attende David Ferron qui est enfin là. On voulait pas finir la session sans lui. Donc le voici avec les notes salées. Salé, Salé, vraiment, hein? C'était réussi. Sel sur le beat, c'était... Ouais, ben pas nécessairement les secondes n'étaient pas les mêmes entre les trois selles, mais c'est pas grave. C'est ouais, mais en même temps, quand tu vas aux toilettes, est-ce que tes selles sont vraiment si sur le rythme que ça? J'emmène mon chronomètre et oui. On est-tu vraiment obligé de parler de non, ça? Non, David Ferron, les notes salées, c'est une chronique musicale sur la musique du monde. Et je pense que tu termines la saison avec une chronique spéciale, n'est-ce pas? Oui, en fait, surtout que là, ça risque d'être peut-être mon dernier passage à Assemblage requis. À vie? Ben, je vais peut-être venir une fois de temps en temps vous dire des coucous, surtout que là, ça va être... Aussi. C'est pas déjà ce que tu fais, venir une fois de temps en temps. Venir. Ouais, mais là, ça va être vraiment officiel. Ah, ok, excuse-moi. Ben, à moins que vous voulez pas me voir. Ben non, on veut toujours te voir, ben voyons oui. Non, David, sinon on t'aurait pas invité pour cette dernière chronique. Écoute, rendu là, David, moi ça change plus rien, je serai plus là non ben, plus. Ben c'est ça, tout le monde m'abandonne, moi. Ben d'abord, Stéphanie vient plus, je viens plus. Ah, bon. Pas grave, de toute façon, reste pas de faire l'émission cet été, ben. Tu pensais que je venais pour toi, Mathieu? Non. Surtout que là, t'as même pas de chandail chez Ptooms. Non, j'en ai tout ce qu'il y a de plus normal, et non, ah ouais, j'en ai de t'as l'air vidéo. Humain. Ouais, pis on aime pas ça. Avec une coupe de cheveux qui se tient, pis... Ouais, mais plus. T'as pas fait ta barbe, fait que ça s'équivaut. Non, j'ai volontairement fait une barbe longue. Tu t'es posé une barbe. Je me suis posé une barbe. Un selfie de ça barbe. Ça fait bien. Hey, David Ferrand. Oui. Tu as une entrevue à nous présenter, je crois. Oui, exactement. Donc, c'est que aujourd'hui, pour ma dernière chronique à vie ou peut-être semi-à vie, on peut dire ça semi-à vie? Pas vraiment, mais c'est on peut dire semi-détaché. Ouais. Donc, parce que quand tu nous dis ça, on est semi-détaché. Donc, dans ma chronique semi-détachée d'assemblage requis, j'ai fait une entrevue auprès d'Issam Akjim, qui est membre du groupe Salamate Nawa. Et en fait, les musiciens du groupe, ce qui est bien avec eux autres, c'est qu'ils incorporent des sons américains, latinos et marocains en une seule pièce. C'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Et le groupe sera au Bobar à Montréal le 9 mai prochain. Ça, je sais pas si vous avez déjà été au Bobar à Montréal. Non. C'est pas une joke que tu me comptes? Non, c'est super. J'aimerais ça y aller. J'espère pouvoir y aller, mais vraiment, au Bobar, c'est un endroit à Montréal où c'est vraiment de la musique du monde reggae. Ça se joue, puis c'est comme dans une espèce de salle intimiste, comme un bar, en même temps, c'est comme un salon. C'est un beau cool. Bar. Oui. Ben oui, exactement. En forme d'éléphant comme Bobard. Ah, cool. Oui. Pas tout à fait. C'est sûr que c'est pas un bar éléphantesque, mais très accueillant. Non, mais c'est sûr, quand tu y vas, faut pas que tu te trompes de chemin. Trompe. Oh. Hey, hein, on va y lancer des pinottes, hein. Bon. Fais des bonnes jokes. Mais il paraît qu'il y a toujours quelque chose à y voir. Y voir! Ah! Ah, ben, Steph, t'es en feu, Matt. Bravo. Donc, c'est bon, tu peux y aller. Ouais, c'est ça. Je sais plus quoi dire. Donc, en fait, c'est ça pour y reprendre. En fait, avant de vous présenter l'entrevue avec Monsieur Akjim, c'est juste qu'il faut que je vous explique quelques termes de la musique Nawa pour être sûr que ça soit clair. D'abord, c'est que. Non, Boba. Ouais. Ça, c'est le nom de l'endroit où le groupe va jouer. C'est pour ça que tu disais? Ben oui. Ben, c'est ça. Merci Steph, j'aime bien ton son de la concision aujourd'hui. Donc en fait, c'est que d'abord on va parler de la musique Gnawa et aussi des instruments de musique Gnawa. C'est quoi le Gnawa? C'est en fait, c'est une musique, c'est une forme culturelle aussi, c'est pas juste de la musique, c'est une forme culturelle aussi qui vient des esclaves maghrébiens originaires de l'Afrique subsaharienne. Et ça fait quelques siècles de ça, mais... en fait, il y a eu quand même un héritage musical. Par exemple, il y a le tebel qui est une espèce de percussion, il y a le gambi qui est un instrument à cordes, et il y a aussi le krakesh qui sont en fait qui est une espèce de crotale, une paire de crotales. Ah, on parlait de ciel justement. Oui. Oui. Ah, tout est dans tout. Comme on dit. Et il y a aussi un mot à comprendre qui est le malem. Le malem, c'est comme un peu, comment je dirais ça, un peu le Harry Styles de la musique Nawa. Non, c'est ma comparaison. C'est le gars de One Direction. Non, c'est leader, je pense, c'est ça? Ben, c'est un des gars de toute façon, qu'il soit leader ou pas, là, mais c'est un des gars de One Direction. Ouais, ben c'est ça, ma comparaison est boiteuse. Je suis vraiment désolé pour la musique Nawa. J'ai toutes mes excuses, mais en fait, c'est comme un peu le frontman d'un groupe Nawa. Ok, d'accord. Comme un peu, c'est ça, c'est quelqu'un. Ils sont sur la fortune, c'est Nawa. Nawa. Nawa. Nawa. Ah, Nawa. Non, parce que la musique de Nawa, c'est encore plus magique. Ah, oh. Oui, ça vous transporte et ça dépasse le cadre spatio-temporel. Aïe, aïe. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de fausses notes non plus là-dedans. Ben non, c'est contrairement ça. À Nawa. En ouais, plus. Fausses notes comme dans de la mort. Fausses notes. Ah, j'en reviens pas. Comment non. Vous êtes inspiré ce matin? Je sais pas. Surtout Steph. Ah bon, merci. Donc, au cours de l'entrevue, il y a également deux pièces. Il y a la pièce Bouyandi du Malem Himde Boussou. Et il y a également ce qu'on va entendre à la fin de l'entrevue, c'est un extrait live du groupe. J'ai pas le nom de la pièce, mais c'est un extrait live et vous allez voir qu'il y a une petite différence entre les deux. Okay. Là, la pièce Bouyandi, c'est quelque chose de plus traditionnel, tandis que avec le groupe Salamatic Nawa, là, on va entendre quelque chose, une espèce de rythme plus bluesé. Je sais pas comment vous le décrire, mais on sent qu'il y a un petit côté plus occidental là-dedans. La première s'appelle comment? La pièce Bouyandi. Bouyabaisse. Non, Bouyabaisse, c'est bon. Mais j'allais dire qu'il était disponible en canne comme chef Bouyandi. Oh! C'est bon ça. Mais c'est plutôt servi dans un beaucoup de Oui, ben mais ça. J'allais dire un bouquet tout, mais non, c'est un bouquet. Un bouquet tout? Mais c'est un bouquet. Ok. Un bouquet de fleurs. Ouais. Musical. Et fait que là, donc, je vous présente maintenant l'entrevue avec Monsieur Issam Akjim du groupe Gnawa Salamate. Non, Salamate Gnawa, excusez-moi. Ah, ça me lâche, Ricky. Le nom du groupe Salamate Gnawa, ça vient d'où? Salamat Gnawa, ça vient de notre malam qui est Rachid Salamat. C'est son prénom, c'est son nom de famille, excusez. Et Salamat, ça signifie la paix. Mais si on peut dire, c'est un peu le pluriel de la paix. Quand on a formé le groupe, on a eu une discussion et tout. On voulait changer le nom du groupe. C'était la proposition de Rachid pour que son nom de famille apparaît pas dans le groupe, mais moi je lui dis ça tombe bien, ça représente la paix et tout. Et Gnawa, c'est le style qui nous inspire, sur quoi on se base pour notre musique et tout. Alors on s'est dit, Salamat Gnawa, ça tombe bien pour notre style de musique et on s'est lancé dans le groupe. Le Gnawa, ça m'a même inspiré par exemple Led Zeppelin ou encore Jimi Hendrix. Et vous, en retour, est-ce que ces musiciens-là vous ont inspiré? Ben, c'est sûr, le fait qu'on fusionne notre musique avec les musiques occidentaux, comme vous avez bien cité, le blues, le jazz, même des fois le flamenco, le rock, alors ces styles-là nous inspirent trop. Alors, même pour moi ou d'autres musiciens, avant de se lancer dans la musique gnawa, on jouait d'autres styles, du rock, du reggae, du flamenco, et en parallèle, il y avait toujours le gnawa. Alors, la formation Salamat Gnawa, ça a été un mariage parfait entre le style qui nous réunit, qui réunit tous les membres du groupe, finalement. Et donc, vous me dites même du flamenco, mais comment qu'on réussit à incorporer autant de styles de musique? La musique gnawa, c'est sûr que c'est une musique qui est basée sur la gamme pentatonique, qui est bien cadrée, là ses règles et tout. Mais par exemple, si on prend le style flamenco, on va prendre la frappe flamenco, on va pas mettre des notes purement flamenco. On va essayer de trouver juste le point équilibre entre les deux styles et avoir une fusion qui va nous satisfaire en premier et qui va répondre aux oreilles du public. Vous mettez habilement ensemble modernité et tradition. On a des instruments plus modernes, je peux dire ça comme ça, comme le saxophone ou la guitare électrique, mais on a aussi des instruments plus traditionnels comme le guembri. Justement, est-ce que c'est possible de nous décrire un petit peu ces instruments de musique que vous utilisez dans votre groupe? Franchement, moi, le guembri, pour moi, c'est... Je trouve toujours de la difficulté de le décrire parce que c'est un instrument... On peut dire que c'est une basse, mais c'est loin de ça aussi. C'est sûr qu'il y a une notation basse et tout, mais quand on l'entend, c'est comme si il y a quelqu'un qui nous parle. Il y a une âme qui parle de ce guembri-là. D'ailleurs, l'histoire du guembri, ça représente bien l'instrument. C'est pas un instrument ordinaire, que ça a été fabriqué selon des règles et tout. C'est avec le feeling, tu peux suivre plusieurs règles, mais en fin de compte, ça ne va rien donner. Comme ça peut être un guembri qui est fabriqué avec du matériel qu'on peut acheter partout et que ça va donner un très bon résultat. Et là, les expériences des grands malems confirment très bien ce que j'ai dit. On voit des malems, des gnawis qui montent sur scène avec des guembris qui vont vraiment pas cher, mais qui donnent une sonorité qui est extraordinaire. Alors ça, c'est notre instrument guembri. Sinon... Les qraqeb, c'est notre principal instrument de percussion. Il y a aussi les tibal, qui sont des tambours qu'on fait au tout début de chaque soirée. Et ça crée un très bon mélange dans notre musique. Justement, il n'y a pas seulement les instruments qui se marient de partout dans le monde, mais il y a les membres de votre groupe également, si je ne me trompe pas. Il y en a qui viennent du Maroc, d'autres du Québec. Et justement, comment votre groupe a commencé à se former? Comment les membres se sont rencontrés? Ben, moi, ça fait pas longtemps que je suis ici à Montréal, ça fait pas longtemps que je suis dans le groupe, mais Rachid, ça fait quand même un bon moment qu'il est là, qu'il a réussi à faire des contacts avec les musiciens et avoir un très bon réseau. Et moi, personnellement, quand je suis venu ici à Montréal et au Québec, je trouvais ça extraordinaire, l'échange musical, c'était vraiment, pour moi, le paradis musical sur Terre. Comment tu peux t'asseoir juste comme ça, sans connaître la personne, vous pouvez jouer durant des heures et des heures. Il y a un très bon feeling qui se passe entre nous deux. Et après, si le réseau, ça se développe. Et on crée des amitiés, on crée des liens forts entre tous les musiciens. Et c'est exactement ce qui était passé dans Salamat Gnawa. Les membres de musiciens, d'ailleurs, Rachid, moi, quand je l'ai vu en premier, je l'ai vu en spectacle. Et tous les autres musiciens aussi, je les ai vus en spectacle. Alors, avant qu'on soit ensemble, il y a chacun de nous qui a vu l'autre jouer et tout, il y avait le feeling qui a passé et ça donnait un bon résultat à la fin, ça donnait un groupe, ça donnait Salamat Gnawa. Rachid et vous êtes autant membre que gérant du groupe et comment les tâches sont réparties entre vous deux? Ben franchement, c'est pas évident de jouer plusieurs rôles dans un groupe, mais il faut pour être satisfait à 100% du produit qu'on présente, il faut mettre les mains sur l'ensemble de nos soucis et essayer d'arranger les choses. Alors pour répondre à votre question, Rachid, c'est sûr qu'il vient avec. Déjà, on a de la chance de l'avoir ici à Montréal parce qu'il vient. C'est l'élève d'un grand maître au Maroc qui est Mallem Hmida Bousso. C'est parmi les idoles de la musique gnawa au Maroc. Alors il vient avec tout un répertoire musical gnawi. Du coup, il nous facilite la tâche de faire des recherches ou quelque chose. Dès que je lui dis un nom d'un titre et tout, et il le connaît par cœur, et il connaît plusieurs versants de la chanson, du titre, et ça, ce qui est musical. Alors, ma tâche à moi, ça va être d'essayer d'ajouter sur le répertoire gnawi que Rachid amène. Come on. Sinon, par rapport à la communication et tout, on a travaillé durant 6 mois pour préparer tout ce qui est site web, logo, dossier de presse, carte de visite, notre charte graphique et tout. C'était un travail très important. On a travaillé aussi sur l'organisation de quelques événements par nous-mêmes pour essayer de gagner plus de public ici à Montréal et au Québec. Et ça avance très bien. Et justement, le groupe, ça fait combien de temps qu'il existe? Ben, le groupe La Formation qui est maintenant, c'est à partir officiellement je dirais en mois de juin qu'on a commencé à faire notre musique et tout. Et le premier spectacle qu'on a fait, c'était le 1er septembre 2014. Mais avant bien ça, Rachid faisait plein de scènes avec le Gnawa traditionnel, sans fusion, dans plusieurs scènes et tout. Alors ça existe depuis, je dirais, 2009 avec Rachid. Mais la formation que vous voyez maintenant, quand ça a été bien fondé, bien organisé avec une société de personnes pour le groupe et tout pour bien gérer les choses, c'est à partir du 1er septembre. Vous proposez 3 formules dans vos spectacles. Il y en a une avec le groupe en tant que tel, un trio acoustique, ou la 3e forme, c'est un atelier. Et le 2 mai, pour votre spectacle, à quoi on peut s'attendre? En fait, on a 4 formules. On a la formation Salamat Gnawa complète avec le musicien. Ici au Québec, on a André au saxophone, Sylvain à la batterie, David au piano. Et on a aussi des invités qu'on les invite de temps à autre. Alors ça, c'est la formation complète. Après, il y a la formation traditionnelle que Rachid tient à organiser, à répéter chaque semaine avec les percussionnistes et tout. On a la formule trio qu'on fait dans les petits spectacles, les maisons de culture et tout. Et on a les ateliers aussi, grâce auxquels on essaye de parler un peu de notre musique, de l'histoire de notre musique, de tout ce qui est instruments, habillement et tout. On le fait ça dans les festivals ou même dans les écoles secondaires et tout. Pour tout ça, le 2 mai, ça va être notre prochain spectacle, c'est dans 2 semaines, et on va proposer la formule complète avec un mélange, une fusion entre la musique nawa traditionnelle et la musique du rock, flamenco, reggae et tout. Et il y aura une partie où on va jouer juste la musique, durant laquelle on va jouer juste la musique purement traditionnelle, parce qu'on tient vraiment, quand même si on fait de la fusion, ça n'empêche pas de garder nos racines. Parce que pour nous, c'est le plus important. C'est, on croit en cette musique qui est traditionnelle. On veut que ça reste comme ça. Mais on n'est pas contre le mariage avec d'autres styles. Au contraire, ça nous fait plaisir de partager ça avec d'autres musiciens sur scène et partager ça avec un public qui aime avoir la touche gnawi, mais sous d'autres formes. Le public, il aura la chance de voir toute la formation au complet. Et ce sera minimum 9-10 musiciens sur scène. Ça va être au Beau Bar à partir de 21h. Et c'est pas la première fois. On adore cette place-là. On a un contact très intime avec le public. À chaque fois, ça se remplit avec le monde et tout. Et on a tellement de fans. On a du plaisir. البالين يا حمودة حمودة ويا القناوي حمودة محمودة مع بصراحة محمودة محمودة ويا المعنة ويحمودة وحمودة والله بابا حمودة حمودة يا المعنة وحمودة يا بابا حمودة سيدي يا بابا حمودة ويا الله بابا حمودة حمودة ويا المعنة وحمودة حمودة غريب الراني حمودة وحمودة وبعين شرين حمودة وحمودة مع قشرة الله حمودة وادي الله يا المعنة ويا حمودة حمودة والله بابا حمودة صلنا بنا حمودة يا بابا حمودة سيدي يا بابا حمودة والله بابا Pour clore l'entrevue qu'on vient tout juste d'écouter, c'était une pièce du groupe Salamete Gnawa. Et avant la première pièce, c'était en fait une pièce du Malem Himde Boussou qui s'appelle Boyandi parce que la personne que j'ai interviewée, Issam Akjim, fait partie du groupe Salamete Gnawa qui est justement un groupe qui fait de la musique Gnawa, qui est une forme musicale qui vient du Maghreb. Cool! Merci de nous avoir apporté cette entrevue-là aujourd'hui, ce matin. Ça me fait plaisir. Ouais. Plus plaisir que ma présence paraîtrait-il. Non, non, non. Ta présence est appréciée, mais ton absence crée encore plus de bonheur chez nous. Ah! Hein? Mais Stéphanie qui te comparait à son chat. Oui. Parce que le matin... 5h48 le matin. T'as le goût de détendre dans le mur parce que ça miaou, c'est fatigant. Puis, comme le vrai David. Ouais. C'est ça. Mais quand t'es pas avec ou qu'elle dort, qu'elle se roule en petite boule, puis tout ça. Ah, étant David encore. Ouais. Okay. C'est ça. Mais quand t'es pas là, tu t'ennuies. Mais quand elle miaou, tu te rends compte que finalement, c'est juste un paquet de troubles. Je m'ennuie des mimes de David qui nous imite un chat en ce moment en train de se coucher sur la table du studio. Mais j'espère qu'il va nous envoyer des selfies de mimes. Oui. Durant nos vacances. En effet. Tu vas-tu faire ça, David? J'exige un selfie de mime par semaine. Miaou! Vas-tu faire ça? Miaou! Right meow! I want mime. It right meow! Miaou! Sinon, merci d'avoir été là tout au long de ces dernières années. Je sais que tu nous quittes au moins pour un moment. On va te revoir un jour, donc on ne dira pas au revoir et on ne fera pas un hommage langoustineux. Mais non, tu le sais que ça sera pas si facile que ça, là, de... Il a déjà arrêté, David, je pense, dans la vie. Je pense qu'il a déjà arrêté. Oui, il y avait une période... Il est encore là? Ouais. Non, mais t'as officiellement quitté une autre fois avant. Là. Mais il est encore là. Ouais, si, c'est encore là. Dominique Michel. Ouais, je suis un chat, j'ai 9 vies. OK. Ben, à la prochaine vie, alors, David Ferron. Eh oui, au revoir et merci de m'avoir accueilli, même si ma présence vous comble d'une certaine manière. Je sais pas laquelle, mais. C'est ça, on sait pas. Fait monter ma pression. Ouais. Merci David Ferron. On t'écoute à la Palmarès du Monde les jeudis à 16h. Oui, puis je pense que ça va être 17h à partir de la semaine prochaine, je me trompe pas. C'était pas 17h avant que tu changes pour 16h aussi? Mais non, ça a toujours été à 16h. Non. C'était pas à 17h le lundi? Hé, hey, mêle pas les auditeurs. Ah, c'est ça, je me rappelle plus. Bref, on t'écoute à Palmarès du Monde. Allez voir cif.ca pour la programmation complète. Voilà. Mm-hmm. Ouais. Yeah, nous, on prend une pause et au retour, c'est une grosse pointe tendresse qu'on fait chaque jour cette semaine. Ouvrez grand la bouche. Sauf hier. Sauf hier, oui. Vendredi. Chaque jour, on est en onde. OK. OK. Mélange pas le monde. Fais pas comme David. Fou d'originalité. C'est fou, 89.1.